Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. En janvier 1893, quelques jours seulement après avoir fêté ses 17 ans, Jack London s'engage sur la goélette Sophia Sutherland pour aller chasser le phoque. Cette première expérience du grand large le mène jusque dans les mers du Japon et de Sibérie. Ce carnage quotidien va, comme à chacune de ses expériences, déterminer des grilles de lecture sur le déroulement du monde qu'il utilisera plus tard au moment de composer les romans. Il lui enseigne une nature qui survit à coups de dents et de griffes. Une âpre bataille de la survie se joue sur le pont du Sophia Sutherland. Absurde bataille, puisqu'imposée, non par une nécessité, mais par un caprice de civilisation, le marché de la fourrure. Les chasseurs touchent leur paye, le capitaine empoche les bénéfices, les femmes se pavanent en fourrure, les requins dévorent les carcasses, les troupeaux de phoques sont les victimes. Bestiaire de l'absurde et circuit de l'argent. London pressent avant même d'avoir lu Darwin et Marx les rapports qui existent entre la nature, les hommes et les marchés de production. Après le massacre des phoques, notre bateau demeurera 2 semaines au port de Yokohama et pendant tout ce temps, nous ne connûmes guère du pays que les bouges à matelots. Parfois, l'un de nous brisait la monotonie du séjour en prenant une cuite plus corsée que d'habitude. Moi-même, j'accomplis un véritable exploit. Au beau milieu d'une nuit sombre, je regagnais notre goélette à la nage et m'endormis à point fermé tandis que la police maritime japonaise fouillait le port à la recherche de mon cadavre et exposait mes habits pour qu'on puisse établir mon identité. De retour à Auckland, il apprend que le Morning Call, un quotidien du matin de San Francisco, organise un concours de nouvelles avec prime à la clé qui récompenserait la meilleure histoire écrite par un jeune lecteur. Jack raconte une histoire de marin, celle qu'il vient de vivre, et son premier récit s'appelle « Typhon sur la côte du Japon ». Il a 18 ans, et c'est lui qui empoche les $25 du premier prix. John, son beau-père, est malade et ne peut plus guère travailler. Sa mère, qui a toujours aimé vivre au-dessus de ses moyens, n'a plus d'argent. Et les dollars rapportés et par l'expédition et par la nouvelle sont aussitôt dépensés. Il faut à nouveau prendre la famille London en charge. L'usine qu'il déteste tant l'accueille à nouveau, mais cette courte durée cette fois. Il sait maintenant que le travail manuel le laissera pour toujours au bas de l'échelle sociale. Et lui, ce qu'il veut, c'est trouver l'ascenseur qui va le faire grimper vers des salaires décents. Il prend pour la première fois la décision d'apprendre un métier. Et la nouvelle découverte, l'électricité, semble promise à un bel avenir. Il va donc devenir électricien. Autant dévoiler le secret dès maintenant, je remplaçais 2 hommes. Avant moi, un robuste manœuvre faisait le travail de jour et était relayé par son camarade. Chacun recevait $40 par mois. L'administrateur, sans cesse à l'affût d'économies, m'avait poussé par ses promesses de m'apprendre un métier à accepter pour $30. Et je croyais qu'il voulait faire de moi un électricien. En réalité, il diminuait de $50 les frais généraux de la société. En effet, un jour de congé par mois, journée de 13 heures, la centrale électrique du chemin de fer d'Auckland est un bagne dont Jack va s'évader au plus vite. Je ne lisais plus mes livres de la bibliothèque gratuite. Je n'avais plus de rendez-vous avec les jeunes filles. Je n'étais plus qu'une bête de somme. Je travaillais et dormais, l'esprit profondément inerte. Tout cela ressemblait à un cauchemar. Longtemps à l'avance, j'attendais mon congé mensuel pour pouvoir me coucher toute la journée, dormir et me reposer enfin. Par orgueil, il ne quitte pas tout de suite son calvaire. Je choisis de continuer ce métier d'esclave pour montrer au directeur que je ne flancherai pas. Je demanderai mon compte et il ne tarderait pas à regretter le brave garçon qu'il avait perdu par sa faute. Quelques mois plus tard, cette débauche de travail manuel va suffire pour lui en inspirer un dégoût à jamais. À la pensée de recommencer, je me révoltais. Que m'importait une situation stable? Au diable l'apprentissage! Il valait 100 fois mieux vagabonder et folâtrer à travers le monde comme je l'avais fait jusqu'alors. Did nobody seem to know me, baby? Everybody passed me by. On se souvient de la grande crise de 1929, mais pas de celle de 1893 qui mit elle aussi à la rue des millions de chômeurs. En avril 94, une armée de sans-abri, laissés pour compte, sans emploi, se met en route pour Washington pour exiger du Congrès 5 millions de dollars afin de construire les routes dont le pays manque, ce qui offrirait du travail à ceux qui n'en ont pas. Un général, Coxey, supervise l'opération aidée en cela par d'autres généraux locaux. Celui qui dirige à la manière militaire l'expédition qui part de San Francisco se nomme Kelly. Jack et son ami Frank ratent le départ du convoi et c'est alors que commence, après celui des mers, le deuxième voyage formateur du futur écrivain. La route, le rail, le monde des trimardeurs, des sans-papiers, des vagabonds, monde de machines et de bielles, de wagons, de bougies, de fourgons à bestiaux, de bistrots, d'arrestations, de police des chemins de fer. London va se conduire comme un parfait clochard céleste. Il va connaître le désespoir dans lequel il vogue au milieu de ses compagnons d'infortune. Il mendie la froid. Il dort dans les fossés. Lui, l'autodidacte, adepte du chacun pour soi, l'ex-pilleur d'huîtres de la baie de San Francisco, va découvrir dans ce long parcours initiatique qui le conduit de la Californie à New York ce qu'est la solidarité. Plus que jamais, il écoute et pour la première fois écrit dans un journal de bord ce qu'il voit et entend. Bribes de conversation, humour, anecdotes de la débrouille. La solidarité aussi, parce qu'il ne va plus diviser le monde entre les héros et les autres, les seigneurs et les autres, les malins et les pas vernis. Il se rend compte que beaucoup de gens sont des pions aux mains des puissances de l'argent et que personne ne choisit d'être un miséreux. Ce voyage va le confronter aux malchanceux, à des gens qui ont voulu du travail et qui se sont vus balayer par des forces auxquelles ils n'ont pas pu résister. Cette deuxième initiation va mettre de l'humanisme dans son vin et même bien autre chose, y verser du socialisme. J'aimerais mieux être un superbe météore, chacun de mes atomes irradiant d'un magnifique éclat, plutôt qu'une planète endormie. La fonction propre de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. Ces lignes auraient pu être écrites par un autre Jack, Kerouac de son nom. Mais ici, rien n'est fortuit. Le livre qui raconte l'épopée vécue à l'âge de 20 ans et qui conduit un jeune homme à travers l'Amérique au milieu des hobos, c'est-à-dire les vagabonds, s'intitule La Route. Il précède exactement d'un demi-siècle Sur la route. Titre en hommage, bien sûr, de Kerouac ou grands prédécesseurs et précurseurs. Sur le même registre de l'immédiateté, quelques éclats de fulgurance que Kerouac écrira dès le début de son célébrissime premier roman. Les seuls gens qui existent pour moi sont les démons, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun mais qui brûlent, pareil au fabuleux feu jaune. En vagabondant et en mendiant, c'est ainsi que Jack se met à l'école du roman. Il apprend à séduire. Dès qu'il voit à qui il a affaire, le mendiant commence son histoire. Pas une minute ne lui est accordée pour l'élaboration. Avec la rapidité de l'éclair, il lui faut deviner la nature de son client et concevoir le récit qui atteindra son but. Le hobo doit être un artiste et créer spontanément, non d'après un thème qu'il va puiser dans ce que lui offre sa riche imagination, mais suivant le thème qu'il lit sur le visage de l'individu qui lui ouvre la porte. Homme, femme ou enfant, bourru, généreux ou avare, enjoué ou méchant, juif ou chrétien, noir ou blanc, qu'il ait ou non des préjugés de race, qu'il soit d'esprit large ou mesquin. J'ai souvent songé que c'est à cet entraînement particulier de mes jours de vagabondage que je dois une grande partie de ma renommée de conteur. Pour me procurer de quoi vivre, il me fallait inventer des histoires vraisemblables. Quand on frappe à une porte de cuisine, poussé par l'inexorable nécessité, on acquiert le don de convaincre et de faire naître l'émotion sincère, qualité que l'on trouve toujours à l'œuvre chez les plus grands spécialistes de la nouvelle. Je crois aussi que c'est mon apprentissage de clochard qui a fait de moi un réaliste. Le réalisme est la seule denrée présentable à la porte d'une cuisine pour obtenir quelques pitances. Pour Jack, trimardé, c'est trouver à chaque instant devant soi un spectacle fantastique d'où surgit l'impossible. Chaque journée est exceptionnelle et apporte sa cargaison d'insolites, d'images, d'histoires, qu'il suffit de glisser dans sa mémoire pour les ressortir plus tard au moment de l'écriture, enjolivées et transposées poétiquement pour faire voyager ces instants éphémères dans un autre temps, celui du roman. Le plus grand charme de la vie de vagabond est peut-être l'absence de monotonie. Dans le pays du hobo, le visage de la vie est protéiforme. C'est une fantasmagorie toujours variée, où l'impossible arrive et où l'inattendu bondit des buissons à chaque tournant de la route. Le vagabond ne sait jamais ce qu'il va se produire à l'instant suivant. Voilà pourquoi il ne songe qu'à l'instant présent. Ayant appris la futilité de l'effort suivi, il savoure la joie de se laisser entraîner aux caprices du hasard. Was all the summer and all the fall just trying to find my little all in all. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Was in the spring, one summer day, just when she left me, she's gone to stay. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Then you come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Lorsqu'il m'arrive d'évoquer mon existence de nomade, je reste confondu devant la rapide succession des images qui traversent ma mémoire comme des éclairs. Peu importe l'époque que je revois en imagination, pas un jour ne ressemble aux autres. Chacun déroule son propre film cinématographique. Il aime par-dessus tout jouer aux gendarmes et aux voleurs avec les employés de la compagnie des chemins de fer qui le poursuivent. Bagarre, intimidation, saut de train en marche, comme dans les westerns qui n'existent pas encore, il s'en donne à cœur joie et montre qu'il est tout autant un vagabond magnifique que le prince des trimardeurs. Une nuit de poursuite sur les wagons de l'Overland, le train qui traverse les États-Unis d'est en ouest, il parvient à faire stopper par quatre fois le convoi, ce dont il est très fier. Lui, le vagabond, est parvenu à contrarier l'Overland, avec ses centaines de voyageurs, son courrier officiel et ses 2000 chevaux vapeur. Et le jeu va durer toute la nuit. Pour échapper aux employés qu'il poursuivent, il chevauche l'attelage de deux wagons, passe au-dessous et s'installe sur les barres transversales entre les roues à 30 cm du ballast. L'ingénieur, le mécanicien, le serre-frein, le chauffeur de la locomotive, deux employés sont à sa poursuite. Jack a 18 ans et se plaît à exercer ce métier de trimardeur à la perfection, avec le risque cependant et permanent de perdre la partie, aller en prison. C'est d'ailleurs ce qui va se passer quelques mois plus tard. Après avoir atteint New York City et y avoir séjourné en mendiant chaque jour sa nourriture, il décide de virer vers l'est et s'engouffre dans un fourgon de train jusqu'à Buffalo pour y voir les chutes de Niagara. Fasciné, il reste toute la nuit à regarder le spectacle, ne mange pas, puis décide de revenir en ville pour dormir. Des policiers l'interpellent et lui demandent le nom de son hôtel. Il est aussitôt arrêté pour vagabondage. Il raconte dans le roman La Route la manière expéditive de procéder de la justice. Le juge parcourut la liste des arrestations et appela un nom. Le magistrat jeta un coup d'œil à l'un des commissaires. « Vagabondage, votre honneur, » dit ce dernier. « 30 jours, » fit son honneur. Le juge appela un autre nom et un deuxième vagabond se leva. Le jugement du premier avait duré exactement 15 secondes. Celui du suivant fut rendu avec autant de célérité. Le commissaire annonça « Vagabondage, votre honneur. » Et son honneur prononça « 30 jours. » C'était réglé comme du papier à musique. 15 secondes par vagabond et 30 jours. La machine judiciaire broyait sans heurts. Étant donné l'heure matinale, sans doute son honneur n'avait-elle pas encore déjeuné et était pressée d'en finir. Cependant, mon sang américain se révoltait. Derrière moi se dressaient de nombreuses générations. Mes ancêtres avaient lutté, ils étaient morts pour obtenir le droit d'être jugés par un jury. C'était là mon héritage sacré, marqué de leur sang. C'était à moi de le revendiquer. Mon tour arriva enfin. Mon nom fut appelé et je me levai. À peine le commissaire avait achevé sa sempiternelle formule « Vagabondage, votre honneur, que je déliai la langue. » Mais au même instant, le juge prononça la condamnation. 30 jours. Je voulus protester. Aussitôt, son honneur laissa tomber de ses lèvres le nom du vagabond suivant. Son honneur s'interrompit un instant, le temps de me lancer. « Taisez-vous. » Les 16 vagabonds furent enchaînés ensemble par groupe de 8. Jack partagea ses menottes avec un géant noir et tous furent emmenés à la prison de Niagara Falls. Là, ils furent rasés et affublés de l'horrible costume blanc à rayures du bagnard. Débrouillardise. Comme toujours, Jack va vite être chargé de la nourriture et à ce poste de confiance va rencontrer tous les prisonniers et observer ce qui se passe en prison. Il en voit devenir fou. Certains dégringolent des escaliers de pierre à coups de fouet, d'autres sont assommés à coups de trique. Il se fait des amis parmi les gardiens, parmi les condamnés aux courtes peines, ceux aussi des longues peines. Il finit par connaître des centaines d'individus, leur histoire, leur dialecte, apprendre leurs conditions de vie, les milieux d'où ils viennent. Là encore, il fait provision de voix, de confidences et en apprend toujours plus sur la condition humaine. À sa sortie, il lui faudra plusieurs semaines pour franchir les 4800 km de voies ferrées qui traversent le Canada. À Vancouver, il s'engage comme matelot sur un bateau, l'Umatilla, et il revient une fois de plus à San Francisco. San Francisco. Come. que Jack London vient de vivre entre rail et macadam est beaucoup plus qu'une expérience remplie de visages, d'anecdotes, de moments forts et cruels dans lesquels il puisera toute sa vie d'écrivain pour parfaire l'étoffe de ses romans. Dans ce déferlement de chômeur, de misère au diapason de ses propres souffrances, il acquiert à 19 ans une conscience politique à laquelle peut-être, le succès aidant, il n'aurait jamais eu accès. Le jeune homme pauvre, individualiste et conscient dès le plus jeune âge de sa propre valeur, aurait pu n'avoir qu'un but, devenir un écrivain célèbre avec pour seule conviction et combat une esthétique de l'écriture et un souci de soi narcissique et complaisant. J'habitais le sous-sol de la société et je ne m'y plaisais pas. Avec ses égouts et ses tuyaux, l'endroit était malsain et l'air irrespirable. Si dans ce monde je ne pouvais vivre à l'étage des salles de réception, je pouvais au moins essayer de m'installer au grenier. À vrai dire, on ne mangeait pas à sa faim dans les mansardes, mais au moins l'air y était pur. C'est ainsi que je pris la décision de ne plus vendre mes muscles et de me faire marchand de matière grise. Alors débuta une course folle au savoir. Je rentrai en Californie et me jetai une fois de plus sur les livres. D'autres esprits plus vastes que le mien avaient élaboré avant même ma naissance mes idées et bien d'autres encore. Ils m'apprirent que j'étais un socialiste. Il s'était toujours représenté lui-même, luttant avec fureur tout au long de sa vie et triomphant grâce à sa force et à sa supériorité. Il était très fier que la nature l'eût classé parmi les forts. Dans son errance à travers tout le pays avec les déclassés, il apprit, mis à part une minorité, que personne n'avait choisi d'être un chômeur ou un vagabond. Jusque-là, il croyait que les traits de misère du monde l'étaient par choix et goût de l'aventure ou parce qu'ils étaient simplement feignants, des fous, des bons à rien ou des ivrognes. Il s'aperçut que la plupart d'entre eux avaient été au départ comme lui, farouches, sauvages, des marins, des ouvriers, que le travail, la misère et la malchance avait accablé et qui avait été mis au rebut comme de vieux chevaux, errant à la dérive sur les chemins du monde. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Late one night in a jungle camp, the weather, it was cold and damp. He got the chills and he got 'em back. They took the only friend I had. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy.